Unité 3 et 4 sur place. Unité 13, intersection 3, zone C. Intersection 3, zone C, terminé. Bien reçu, unité 8. Parler de justice, style stylo, je dégueule sur tes pieds, cause des dégâts. Pour ton dégoût, débarque ma clip des gars. Sur ma tête, Kalashnikov cervical. Signe mon rôle cannibale, entre tes deux neurones, j'cale. Balle perdue, percute les tympans. Mon hypercute, c'est un camp. Les poules aux œufs d'or auront des dents. D'ici là, je bois un merman. Les types extrémistes jettent mes excréments. Au silence résultant, depuis le temps. La date d'exploit expirée, toujours les mêmes cas censurés. Y'a qu'à compter tous les pitpots sceptiques qui s'appellent politiciens du rap. Pour chasse à pièce, gros tas de fric. Milieu de féroce, colosse, molosse. S'arrache entre leurs nanos, chacun mijote sa sauce, défendre sa cause, prêt à prendre droit de donner. Ma place héritier, je dois le faire dans ce merdier. Temps permisé, réfugié dépaysé, pèse le pont contre de l'instabilité. Ils n'ont pas touché à l'argent liquide. Parce qu'ils n'avaient plus le temps, parce qu'ils se chronométraient. Ce qui veut dire qu'ils savaient en combien de temps on arriverait sur place. Appel radio, immobilisation, ils opèrent, ils s'échappent et en moins de 3 minutes. Et la caméra de surveillance? Oh, ils ont sûrement dégommé. Vérifie quand même. Je reconnais leur méthode. Techniquement, ce sont des professionnels. Voici les fédéraux connaissent un homme et l'artiste. J'aime le son d'une vie qu'on casse, qu'on s'acharge. Voir la riposte au pas de charge. Percer le métier comme un coffre. Maman assoce, lève le majeur devant les coffres. Entend l'orage, attend l'oral. Celle s'étend l'oreille, s'étend ses sens sommeil. Plus vraiment Drake, blood for blood. Couleur dans nos cônes, douleur monotone. Pas monochrome, un white man. Au lyrical, trop hardcore. Accord, au faux que l'accorde, c'est l'accord. 400 coups pour la forme, à force. Leurs lois font que je suis mal à terre, contestataire, né de fort caractère. Des versets sans appel, la haine dans la tête, juste du mal à perdre, du mal à apprendre. Leurs lois, un flingue sur la tempe, c'est dur, grave et long, comme un marathon, jusqu'où ça se raconte. Rapper seulement si ça compte. 1,6 million, en bon au porteur. Ce mec est loin d'être tombé de la dernière plaie. C'est des pros, ces salauds-là. Vous savez ce qu'ils regardent? Quoi? Nous. Regarde les flics. Ces types jouent aux gendarmes et aux voleurs. Oh yo. Au fond d'Azerbaïdjan, bien ou mal, je me défends. Lyrical devant, illégal dans le dos, je plante mes crocs. À ma chouette, justement, est sorti Gaston. À ma mota, c'est fan, un mastan. Et il n'est mahi, que tu y es masté, d'asto pas basté. Bizarre, zendegi, ya gorgi, ya gouche de khami. Jari, digi, nadari, kahmer au bokhori, ya kahmetur au bokhori. Pas bien dans leur monde, ils se foutent de leur mode, qui part d'hormones. Dans leur gueule, trop d'orgueil, bien dans le noir la nuit. Mon paradis, souvent averti, mais comme la vie, les risques on s'y fait. Eux nous poussent à l'extrême, vise l'autonomie dans trop peu d'espace. Supprime les messes basses, moins de chance qu'un russe abandonné dans l'espace. Pour nous le rap qu'un peu d'espoir. Le jour où tu fous le feu à 3-4 voitures, tu massacres 2-3 flics. Après on te dit ouais, faut faire quelque chose, ça craint, faut s'occuper d'eux. Il faut s'occuper des gens avant qu'ils soient dans la merde. Faut pas s'en occuper une fois qu'ils sont dedans jusqu'au cou.